Dieu sait qu'on manie. Préparez vos tombes, réparez les erreurs, rattrapez les ombres qui s'estompent. Avec nos âmes en pleurs, laissez-les se doper. Avec nos morts, et c'est là le côté amer qui me pousse à poser ma prose dans nos saumores. Ma prose et mes écrits dans ce monde que je décris, c'est de la joie au décrit, soit des merci, soit du mépris. Ainsi je libère mon cœur, mon esprit et mon âme. J'ai appris que pour être un homme, fallait savoir verser des larmes. Des vers qui viennent hanter les esprits, des vers qui saignent et qui font mal, quoi qu'il advienne, je les aurais inscrits. Des vers sévères, mais des vers sévères, les autres les hommes qui les font naître, donc mon flux s'avère averse. La prose et la plume est notre âme, mariée, scellée à nos idées, la musique, notre femme. La preuve c'est qu'on décrit notre art, et si ça prend de l'importance à tes yeux, c'est qu'on manie bien notre art. Ma prose est une arme, et j'ai versé tant d'encre sur la vie et ses drames, et versé parmi tant d'autres. Je veux pas montrer l'exemple, mais mettre la vérité au centre. Tellement d'histoires sur notre terre qui part en cendres. Ma prose, c'est comme cette ambiance qui t'imprègne. C'est noir comme le monde, sali depuis que l'été imprègne. Ma prose au quotidien, des pages de rature, de nature à préférer la haine dans l'écriture. Ma prose, le prolongement de ma pensée, en m'efforçant d'être sensé, je pense seulement à avancer. J'ai pensé composer, pour compenser mes doutes et déposer à terre tout ce qui m'écarte de la bonne route. La prose et la plume est notre âme, mariée, scellée à nos idées, la musique, notre femme. La preuve c'est qu'on décrit notre art, et si ça prend de l'importance à tes yeux, c'est qu'on manie bien notre art. Le reflet de mon être, c'est dans mes textes que tu le ressens. C'est toute ma vie, je me vois pas être ressent. À cause d'un état d'âme triste, ma prose adoucit mes jours, assombri par une vie loin d'être rose. Ma prose, un combat face au silence, cette absence qui fait que nos rapports ont un goût sirence, incidence. Tous ces mots qui prennent un sens, et plus j'y pense quand j'écris, plus ils auront une incidence. Ma prose, la chance pour moi d'avoir l'esprit encore logique, confus peut-être mais ça reste psychologique. Ma prose, pour libérer cette énergie si dense, je suis loin d'être pur mais les autres non plus à l'évidence. La prose et la plume est notre âme, mariée, scellée à nos idées, la musique, notre femme. La preuve c'est qu'on décrit notre art, et si ça prend de l'importance à tes yeux, c'est qu'on manie bien notre art. Ma prose, ma voix, ma version des faits, d'un être humain qui fait sa vie du berceau au décès sans délai. La mort approche, on voit tout s'emmêler, s'emballer, on la défie mais on ne veut pas s'en aller. Ma cause, pour libérer mes peurs et mon stress, dégager les monstres qui s'appellent haine et tristesse. Loin d'être puriste et novice, comme trop de pseudo-artistes, chaque activité est remplie de fumisme. Ma prose, pour décrire le diable et sa compagnie, et sa bêtise qui nous ronge quand le bien est banni. C'est si facile de tout foutre en l'air, et il est dur de s'élever alors que les autres s'enterrent. La prose et la plume est notre âme, mariée, scellée à nos idées, la musique, notre femme. La preuve c'est qu'on décrit notre art, et si ça prend de l'importance à tes yeux, c'est qu'on manie bien notre art. Ma prose, ma force, des idées malsaines qui gèrent, mais je m'injecte la rage à forte dose. Ok, je suis sadique, au fond de moi je suis fou, je crois. Toi t'as m'énerve, je vois les gens s'écarter de la bonne voie. Ma prose, contre le temps et son emprise, aussi la cause de mes blessures qui cicatrisent. Guérir les plaies par la rime et l'écriture, par les mots, faire le deuil des instants les plus durs. Ma prose contre la poudre qu'on a dans l'œil, pour dire aux autres que j'ai perdu la foi et que je suis plus en deuil. Ma prose, un rituel pour moi, le moyen de dire à l'homme qu'il est cruel et que c'est perpétuel. Ma prose, un exutoire contre la douleur. Ma vie n'en a pas l'air mais mes pensées en ont la couleur. Si c'est triste, c'est qu'il y a des choses qui restent et qui attestent qu'au fond de nous, il y a des plaies qui résistent.